Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai vu la. Je vous appelais, je vous dérangeais, j'ai vu l'annonce. Ah, d'accord, oui. Voilà, bah, je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait, parce que j'ai vu que vous faisiez de l'occultisme. Oui, complètement, je fais que ça d'ailleurs. Ah, que ça? Ah oui. D'accord, parce que moi je voulais vous poser un peu la question, ça va peut-être vous sembler étrange, mais comment on sent quand on est envoûté? Ou on est très très maladroit, ou bien on fait des rêves de plus en plus bizarres, on se réveille la nuit en ayant des sueurs froides, donc. Comme par hasard, on n'arrête pas d'avoir des petits accidents, ou Ouais. carrément tout le matériel électronique de la maison commence à se casser morceau Ouais, par morceau. on peut des fois sentir qu'il y a une autre présence ou qu'on est un peu Oui, c'est ça, oui, il y a ça envoûté. aussi, oui, complètement, oui. Oh. Et ça pourrait être envoyé par quelqu'un qui Qui m'aime m'aime pas pas, ou... ou... Ouais, peut-être, ouais. Ça me fait un peu peur, si vous voulez. Et ça Oui. se soigne? Ah, complètement. Comment vous faites alors pour enlever Y a cette présence? des techniques, hein. Oui. Des techniques de renvoi, oui. De renvoi. Ah ouais. Et ça fait pas mal. Non, absolument pas. Mais vous savez faire, hein, que j'aille pas voir N'importe n'importe qui. qui. J'enseigne, hein, cher monsieur, donc Ah donc vous ça... Ah bon, ça me rassure. j'enseigne, oui. Parce que Bon, quand si j'en vous êtes parle pas aux gens, sûr. les gens me disent que je suis fou et que c'est pas possible et c'est dur, hein. J'imagine. Bon bah écoutez, je vais essayer de voir parce que puis je vais venir vous voir parce que ça peut plus durer, hein. C'est marrant, votre téléphone, il devient grave de temps en temps. Ça l'a refait? Oui, ça le fait là. Tout ça l'a fait au moins 5-6 fois. C'est que des... Ah bah voilà, alors ça me fait plaisir parce que quand j'en parle à des amis, ils me disent c'est C'est pas pas possible. possible, c'est pas ça. Mais là, ça fait encore, oui. Quand? Là? Ouais. Là Mais maintenant? si vous voulez, votre ton là devient de plus en plus grave, comme si c'était une modulation Eh bah c'est ça, électronique. c'est ce que je vous dis, c'est ça. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal. Là, ça le fait, là? Non, mais c'est par c'est en dents de scie. Mais c'est pour ça que ça Ça me fait fait. peur. Là, voilà, ça, vous voyez. Ça l'a refait. Non, mais bon, peut-être ça vient de votre appareil, après Ah, je vous tout. dis, non, c'est pour ça que des fois j'ai l'impression d'être envoûté et habité par quelqu'un. Bah écoutez, je vais essayer de venir vous voir pour qu'on règle cette histoire, hein, quand même. Oui, passez-moi un petit coup de fil Mais avant vous de serez prêt, hein, manière vous savez régler le problème. S'il y a un envoûtement sérieux, vous savez vous en occuper, hein. Allez faire un tour sur mon site internet. Bon, d'accord, j'irai faire un Voilà, tour. allez faire un tour, voilà. Vous savez, je force la main à personne, moi. Non, non, bah je m'en doute bien, non. D'accord. Mais je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, bah je vous souhaite un bon courage et puis on passera vous voir. Oui, au revoir. D'accord? Merci et à bientôt! Arrête, je me fais peur.